Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Tout est parti du post Instagram du compte C'est qui la bosse. Cette préparatrice en pharmacie explique qu'elle est devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Elle cite « Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leurs parents, eux aussi à bout, bien évidemment. » Un constat alarmant et à grande échelle. Pour en parler avec nous, Delphine Pi, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Première question, comment préserver au maximum les enfants? C'est aux parents de réussir à réguler leurs propres émotions pour éviter de les transférer à leurs enfants. Donc on peut dédramatiser l'événement, essayer d'adapter son vocabulaire selon l'âge de son enfant, répondre à toutes ces questions, mais sans être dans l'anticipation. Donc on va vraiment juste répondre aux questions de l'enfant, sans forcément essayer de le rassurer sur quelque chose qui ne l'inquiétait pas. Avez-vous des conseils pour les préparer à passer un test Covid sans stress? La première chose qu'on peut faire, c'est déjà montrer ce qu'on va faire, les gestes qu'on va effectuer sur son doudou, par exemple, ou sur une poupée. Ça peut permettre de rassurer, de dédramatiser. Après, dans la mesure du possible, on va attendre d'avoir l'accord de l'enfant avant de procéder aux gestes. On essaye d'être dans un climat de calme et de sérénité. Ensuite, on peut essayer de faire attention à sa communication. Souvent, on est dans une communication négative. Imaginez-vous à la place d'un enfant, si je lui dis « tu ne vas pas avoir mal, c'est pas douloureux, ça va pas durer longtemps ». En fait, l'enfant, il va pas vraiment entendre les négations. Lui, ce qu'il va entendre, c'est « avoir mal, c'est douloureux et longtemps ». C'est tout ce qu'il va entendre. Donc, dans la mesure du possible, on va essayer de formuler de façon positive. Par exemple, rassure-toi, ça va aller vite, tu vas rester confortable, ça chatouille un tout petit peu. Et en disant ça, finalement, ça va rassurer tout de suite l'enfant. On peut aussi essayer de distraire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire qu'on peut soit demander à l'enfant de faire attention à sa respiration ou de compter sa respiration, combien de temps il inspire, en combien de temps il expire. Soit on peut lui donner un peu une tâche cognitive. Tiens, est-ce que tu peux me donner 5 animaux qui commencent par la lettre M, par exemple? Ou même faire des blagues ou donner une information qui va créer de la surprise ou qui veut rien dire. Parce que comme ça, l'enfant va être interpellé et il n'a pas le temps de réfléchir à ce qui se passe ou il n'est pas connecté finalement à ses sensations à ce moment-là. On attire en fait son attention ailleurs, dans une autre direction. Tout à fait. Oui. Donc, par exemple, on peut lui dire « Est-ce que tu as bien tourné ton escabeau ce matin ?» Vous voyez, ça ne veut rien dire. Mais le fait de dire ça, ça va l'interpeller un peu. Et en fait, ça évite qu'il soit trop focalisé sur le geste, sur ce qui se passe dans son nez, quoi. D'accord. Merci pour ces précieux conseils, Delphine. Mais comment réagir quand son enfant est positif Covid pour ne pas ajouter du stress à la situation ? Je pense que l'idéal, c'est d'essayer de faire comme si il était question d'une grippe, tout simplement. Donc, de ne pas surréagir, de rassurer si besoin, de répondre à ses questions et surtout de coucouner son enfant au maximum. Bien évidemment. Nous avons maintenant un peu de recul depuis mars 2020 déjà. Quels sont les premiers effets de cette pandémie constatée sur les enfants? Alors, dans un premier temps, il y a eu énormément d'anxiété et de dépression, et notamment pas mal de tentatives de suicide, et notamment sur les très très jeunes, ce qui était quand même très inquiétant. Il y a eu une petite accalmie, et là, on voit que depuis la rentrée, l'anxiété s'invite de nouveau chez les enfants. Donc, c'est vraiment les troubles anxieux qu'il faut surveiller le plus. Donc, des effets déjà constatés. Mais y a-t-il des craintes à avoir sur de possibles conséquences à moyen et long terme pour les enfants? Alors, il y a peu d'études sur le sujet, mais celles qui ont été effectuées sur les adultes montrent qu'effectivement, après une crise sanitaire moins importante que celle-là, il y a des effets sur 2 à 3 ans par rapport à la santé mentale. Donc, on peut supposer qu'il y aura des effets sur les enfants. Après, les enfants sont très résilients, donc je pense que ce sera possible de les accompagner pour récupérer leur bien-être. Vous, Delphine Pi, en tant que professionnelle, y a-t-il des questions qui reviennent de manière récurrente? Alors, c'est souvent que les parents s'inquiètent sur les effets du port du masque par rapport aux enfants, notamment par exemple dans les crèches ou vraiment les assistantes maternelles qui portent des masques. Beaucoup de parents ont peur que ça bloque l'entrée dans le langage de l'enfant ou même que ça ait un impact sur sa capacité à remarquer, à repérer les émotions. C'est vrai que ça peut gêner certaines informations, mais malgré tout, il y a beaucoup de micro-expressions qui sont au niveau des yeux et du regard. Et il y a des études qui montrent que des enfants aveugles rentrent très très bien dans la communication. Donc je pense que on peut prendre du recul par rapport à ça. Et puis l'enfant n'est pas 100% de sa journée en contact avec des oui. adultes masqués. Il y a aussi beaucoup les interactions à la maison qui sont importantes. Donc si il y a un petit retard, c'est vraiment quelque chose qui va s'atténuer dans le temps. Oui, ça pourra se rattraper, il n'y a rien de définitif. Oui, voilà, tout à fait. Il faut se rassurer. Très bien. Des propos donc plutôt rassurants et on vous en remercie Delphine. Bien sûr, si vous rencontrez des problèmes face au Covid, donc vous et ou avec vos enfants, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel. Et à ce sujet, donc Delphine Pi, ici présente, est joignable en consultation privée. Où peut-on justement vous consulter, s'il vous plaît? Alors, je consulte sur une application de psychothérapie asynchrone, Psynergie. Et vous avez peut-être un compte Instagram que l'on peut suivre? Oui, tout à fait, Psynergie-Delphine Pi. Merci beaucoup Delphine et n'hésitez surtout pas à faire appel à Delphine si vous rencontrez un petit souci sur ce sujet-là. Elle saura bien sûr vous prendre en main et puis vous aider à avancer. Merci. Merci pour l'invitation.